Les infos, c'est avec Carlo. Ouais, salut moi, Carlo. Tu me demandes jamais ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je m'en fous. Salut à tous. Si je vous dis que 11 bombes ont explosé en Thaïlande hier et aujourd'hui dans plusieurs provinces du pays, faisant au moins au total 4 morts et plus de 20 blessés, notamment des touristes, c'est probablement le mot terrorisme qui vous viendra à l'esprit. Mais non, ça devient une sorte de réflexe de Pavlov. Hein. Les autorités du pays, elles, parlent plutôt de sabotage et d'une possible vengeance politique. Faut se souvenir que dans ce pays, il y a eu un coup d'état militaire il y a 2 ans et que depuis lors, les libertés sont comme qui dirait réprimées. Il y en a forcément qui aiment pas ça. Hein. Cela dit, aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Le porte-parole de la police a juste affirmé que les séparatistes musulmans du sud du pays n'avaient rien à voir avec ça. Et puis chez nous, le fils de l'imam de Dizon n'a rien à voir avec l'extrémisme musulman. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'ado de 17 ans. Vous avez sans doute entendu parler de cette vidéo où on le voit se balader dans les rues de Verviers appelant à tuer les chrétiens. La RTBF est parvenue à le contacter via Facebook, lui qui se trouve en vacances au Maroc, même qu'il affirme qu'on l'a mal compris. Ah ouais, c'est le syndrome Donald Trump en quelque sorte. Hein. Il ne parlait pas du tout des chrétiens, mais des Alaouites, l'ethnie syrienne à laquelle appartient le président Bachar al-Assad. J'ai rien à voir avec le djihad, dit-il, et je compte bien aller m'expliquer à la police dès mon retour en Belgique. En attendant, chrétien Walawit, ça reste un appel au meurtre. Hein, et le fait est que son papa, un imam de nationalité néerlandaise et marocaine, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour ses prêches radicaux. L'affaire de la vidéo a en tout cas été mise à l'instruction par le parquet de Verviers. Il n'y a quasi jamais eu aussi peu de pré-pensionnés chez nous, moins de 100 000 à la fin du mois de juin. C'est en tout cas un plus bas depuis plus de 30 ans. Notez qu'il n'y a ni miracle ni surprise là-dedans. Ça s'explique tout bêtement par le fait que depuis que le gouvernement Michel est sur pied, il est beaucoup plus difficile d'obtenir le statut de pré-pensionné. Le fédéral a en effet porté l'âge de la pré-pension à 62 balais et à 56 ans en cas de restructuration contre 52 auparavant. Aux Jeux Olympiques de Rio, les Red Lions en sont à 4 victoires sur 4. Face à l'Espagne, notre équipe de hockey sur gazon s'est imposée 3-1. C'est bien qu'elle est presque assurée de terminer à la première place de son groupe. Ça, c'était la bonne nouvelle du jour pour les Belges. Le reste, c'est plutôt des mauvaises, avec notamment l'élimination de David Goffin en tennis dès les huitièmes de finale par le Brésilien Bellucci, qui apprécie visiblement de jouer devant son public. Et puis en judo, Thomas Nikiforov, qui avait plein d'ambition avant de s'envoler vers Rio, a vu son rêve s'envoler en moins de 100 kilos, lui qui a été très sèchement battu dès le deuxième tour par un jeune géorgien de 20 ans. Dans une heure, j'évoquerai les autres faits saillants de la dernière nuit olympique, mais au niveau international cette fois. Fun. Fun Radio. Avant le Sarah Salov, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour ce week-end? Écoute, en gros, il va faire beau. Ah, hein, c'est déjà bien. Ça va pas être extraordinaire non plus. Entre 20 et 24 degrés, pas mal de soleil, quelques passages nuageux tout de même. Mais globalement, ce sera pas mal, en tout cas par rapport au dernier jour. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son d'Alex Germis. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floyd. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Feel so far. so far. Hey, I know I took it upon myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. On continue le son Dance Floor avec Dua Lipa sur Fun Radio. C'est le moment de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Bah oui, tu sais, comme c'est difficile pour nos professeurs de capter l'attention des élèves, mais aussi de leur inculquer certaines choses. Oui, parfois, c'est très très compliqué. Et je vous parlais d'un professeur américain qui a complètement réussi à captiver ses élèves. Le moyen est pour le moins surprenant. Écoutez plutôt. Ouais, raconte. C'est l'histoire donc de ce professeur américain qui, lors d'une classe, a vraiment réussi à capter l'attention de ses élèves. Parce qu'en plus, il parlait d'altruisme. Autrement dit, comment s'intéresser aux autres, okay, comment faire le bien autour de soi. D'accord. Et pour capter leur attention, un moment, il s'est lancé dans un récit très réaliste, ponctué de gestes, et là, il s'est jeté par la fenêtre. Non. Oui. C'est pas jeté par la fenêtre. Je te jure que si. C'est pas un matelas en bas. Il y a une vidéo qui fait le buzz sur Internet, on le voit passer par la fenêtre. Il s'est jeté par la fenêtre? Ouais, il a posé la question à ses élèves de savoir si c'était plus important de penser aux autres ou de penser à lui. Les élèves ont répondu de penser à lui. Il s'est jeté par la fenêtre. Oh, bon, il est mort. Mais non, pas du tout. Ah, il me fait peur. Il était au rez-de-chaussée en même temps. Ah, ok. Ah, okay, il s'est vraiment jeté par la fenêtre. Mais c'est énorme, ça. Bah oui, imagine-toi la tête des élèves en disant qu'est-ce qui se passe? Ah, si vous n'êtes pas concentré, je fais la même chose, je saute par la fenêtre. Bon, non, ici, non, on est au troisième. On est au troisième, ça risque d'être compliqué quand même. Allez, Laurence, toi, tu as râlé. Hein. Alors, moi, je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez donné un petit nom sympathique à votre réseau Wi-Fi à la maison? Un réseau Wi-Fi, non, pas moi. Toi, Kaufman? Pikachu. T'en doutais, tiens. Bah, en fait, il y a un Italien qui a eu une drôle d'initiative. Il s'appelle Federico et en fait, il vient de publier le Berlin Wi-Fi Project. Et en fait, c'est une carte interactive qui recense les surnoms les plus insolites des réseaux Wi-Fi à Berlin. Ok. Et donc, du coup, ça avait déjà été fait à Paris, mais non, ça a été fait à Berlin. Et par exemple, on peut lire I can see you naked. Donc, ça veut dire quoi? Je peux te voir tout nu. Ah, sympa. Ou Room for Three, ça veut dire chambre pour trois. Et donc, en fait, Federico a mis 18 mois pour tous les recenser. Bon, c'est un râle gentil parce que voilà, c'est quand même assez drôle. Mais moi, ce qui me fait râler, c'est que déjà en vacances, on n'a pas forcément de 3G ni de Wi-Fi, mais si c'est en plus pour nous narguer avec des trucs comme ça, perso, je trouve ça bof. Tu sais, je vais mettre ça ce soir. Moi, j'ai du Wi-Fi et pas toi. Ça peut être bien. Pour la suite, le combien ça coûte? On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Bah oui, on a des goodies collector, des jeux vidéo. On a plein de trucs. On est revenu avec blindé de cadeaux. On va vous les gagner juste après Dua Lipa sur Fun Radio. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm numb.

rentre du boulot avec le son de Môme sur Fun Radio. C'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63,22, 1 euro par message. Vous devinez à quoi il correspond pour gagner des jeux vidéo, des packs collector, Kaufman? Ouais, on a des goodies Overwatch, on a des goodies Doom, on a des jeux vidéo Technomancer, on a pas mal de choses à vous filer. Ça va se passer donc au 63,22, vous nous envoyez votre proposition et nous on va essayer de trouver à quoi correspond le prix de David. Le prix du jour est 140 euros. Laurence Kaufman, vous posez des questions pour aider les auditeurs. Le budget est remonté par rapport à... Ouais, t'as vu ça, on a remis un peu d'argent. Alors, est-ce que c'est un objet professionnel ou personnel? Personnel. Est-ce que c'est un accessoire de mode? Oui. Est-ce que tout le monde en a? La plupart. Est-ce qu'on peut l'acheter au supermarché? Non. Est-ce que les petits comme les grands en ont? Oui, on peut dire ça, mais pas les tout petits, hein. Mais vraiment, une personne qui a 14 ans peut en avoir, par exemple. Est-ce que ça fait du bruit? Ça fait du bruit, oui, ça peut faire du bruit. Est-ce que on s'en sert toute la journée? On peut s'en servir toute la journée, oui. Est-ce que ça se porte sur soi? Oui. Ah, ça avance. C'est pas un vêtement? Non, ce n'est pas un vêtement. Est-ce que ça concerne une partie spéciale du corps? Oui. Est-ce que ça donne des indications quand on la regarde? Oui. Est-ce que ça se porte sur le bras? Oui. Ah oui. Est-ce que parfois il y a des aiguilles? Oui. Ah, toi, tu penses avoir trouvé, toi, Kaufman. Je te connais. Ouais. Je connais l'animal. Laurence. Donc, ça se porte au poignet. Ça se porte au poignet, oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a des jeux vidéo à vous faire gagner, des packs collector, des goodies Overwatch. C'est bien ça, Kaufman, hein? Exactement. Je me trompe pas. Donc, Kaufman, on a de tout pour tout le monde. T'as trouvé, toi, Kaufman? Oui, je pense que ça commence par un M. Toi, tu penses avoir trouvé. Laurence, tu penses avoir trouvé ou pas? Oui, je pense aussi. Ok, très bien. J'ai une marque spéciale de cette, de l'objet. Ah, bah, il y en a plein. Ouais, une qui est pas mal, c'est Ice. Ah oui, c'est vrai. Ice Watch. Ah oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a plein de cadeaux pour vous. Je vous laisse le temps de Môme pour envoyer la bonne réponse et je prends un gagnant juste après. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi? Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie invitée à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Par Panoramix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Gagne des places au parc Astérix pour toute la famille grâce à notre jeu concours sur le site internet et collectionne les cartes dans les supermarchés Matchis Match, Louis Delhaize et les hypermarchés Cora. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí.

Passez une bonne après-midi à l'écoute de Fun Radio. Nouveauté. New music. Découverte Fun Radio. Nouveauté avec Black M, le titre Je suis chez moi. Je vous propose de l'écouter maintenant. Fun Radio, première sur les nouveautés. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. Bon courage, si vous êtes sur la route, la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Martin Solveig. C'est le moment de connaître la réponse au combien ça coûte et pour ça, j'accueille Marie qui est avec nous. Salut Marie. Salut. Salut Marie. Ça va bien Marie? Ça va et vous? Oui, on est en pleine forme, fin de semaine, bientôt le week-end. Tu vas travailler toi, c'est ça? Eh oui, je vais travailler aujourd'hui et demain en plus. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi de beau dans la vie? Je travaille chez Quick en étudiante. Tu peux me rapporter un Giant, s'il te plaît? c'est un boulot de fou, ça, d'aller chez Quick, je trouve. Hein, en plus, que... elle a la pêche, hein, je trouve. Ouais, quand même. T'as vu ça? Franchement. Moi, j'ai travaillé longtemps. Là-bas. C'est vrai? Ouais. C'est difficile ou pas de travailler chez Quick? Le problème, c'est que tu vois. Attentif. Je préparais les hamburgers, j'en mangeais un, je préparais. Alors, il perdait beaucoup d'argent à la fin de la journée, c'est, en fait. C'est le défaut avec toi, ça. Dis-moi, Marie, combien ça coûte? 140 euros, c'est le prix du jour. C'est quoi la bonne réponse? C'est le prix d'une montre. Une montre, on vérifie. Dance. Bravo. Bien joué Marie. C'est une bonne réponse Marie. Tu repars avec. Tu aimes les jeux vidéo Marie? Oui. Ah bah on va te filer les goodies jeux vidéo. C'est pour toi, c'est cadeau et c'est que du fun. Voilà, bravo Marie. C'est parfait, merci. De rien, ne bouge pas, on prend tes coordonnées hors antenne. Bisous bisous et bon courage pour le travail. Bisous, merci. Bisous, Marie. Bisous. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Beauty, Laurence. Oui, aujourd'hui, on va parler d'une marque de bijoux qui mêle ethnie et style à la perfection. On en parle juste après. Martin Solveig, Do It White sur Fun Radio. What you doing with my head? I may let you go ahead, but you gotta do it. La fin d'après-midi tranquille avec le son de Deva Simon sur Fun Radio. Dans quelques minutes, le Fun Game avec Kaufman. On évoque quoi aujourd'hui? Premier sujet, on parlera de Microsoft qui rachète une société de streaming et vous verrez que c'est pas du tout anodin. Et aujourd'hui, on a un super cadeau à vous offrir. Oui. La serre OneTen. Pour vous inscrire, vous envoyez PC au 6322. On vous explique tout dans quelques minutes. Mais là, c'est le Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Mais c'est bijoux aujourd'hui? Oui, et les gars, c'est le moment d'écouter parce que voilà, je vous donnais un petit bon plan pour faire plaisir à votre copine et pour la surprendre en même temps. Très bien. On va parler d'une nouvelle marque de bijoux qui s'appelle Be Made. Ouais. Et en fait, c'est une marque créée par Laura Attias en 2015. Et c'est lors en fait d'un voyage qu'elle a fait en Inde qu'elle a eu l'idée de créer sa marque. Ok. Donc c'est très très ethnique, c'est très culturel, c'est très très joli. Et donc Be Made en fait, ça signifie made in pour rappeler le fait quoi, que c'est fait à la main. C'est fait par des artisans qui viennent partout dans le monde. Ça vient d'Amazonie, d'Inde, du Pérou. Et ça intègre en même temps les codes en fait de tendance occidentale qu'on a chez nous. Okay. Donc c'est très facilement portable. C'est vraiment très très joli. Ouais, c'est pas truc péruvien, là, les gros trucs péruviens qu'on voit. Non, c'est pas trop ça. Truc, c'est très doux et très rapide. Toi, t'es habillé en pépito après. Je pense qu'elle parle de flûte de pan. En fait. C'est ça, exactement. Non, c'est pas du tout ça. Et en plus, ces matériaux, ils sont très très jolis. On a des bagues, par exemple, faites en pierre semi-précieuse et avec des fois de l'or et tout. Et donc, du coup, en fait, en septembre, ils sortent une nouvelle collection avec du diamant. Ah, carrément. Ouais, carrément. Ça sera inspiré en fait du dernier voyage de la créatrice en Thaïlande. Ça va nous coûter une blinde cette affaire. Eh ben, même pas. Figure-toi que j'ai été voir les prix sur le net parce que j'ai été un peu me renseigner quand même. Et ça va de 39 à 189 euros. Du vrai diamant à 39 euros? Ouais. C'est bon, Kaufman, on peut acheter un bijou. C'est bon. On est bon. Tu sais quoi, je deviens diamantaire. Ouais, c'est pas cher, effectivement. On se renseigne où? Alors, on va sur le site bemade.com, tout simplement. Ok, très bien. Merci, Laurence, pour ce conseil. Dans quelques minutes, on a un PC à vous offrir, Kaufman. La serre One Ten est à gagner. C'est le dernier qu'on a vous offrir cette semaine. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message et ce soir on l'offre. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. S'ambiancer avec le son de Deoro sur Fun Radio. C'est le dernier jour pour gagner un magnifique cadeau, le PC tablette Acer One 10 Kaufman. Ouais, et quand tu dis PC, de nouveau, tu commences à me fâcher. Bah, c'est un bijou de la technologie. C'est le couteau suisse. Couteau suisse technologique. Voilà, que vous soyez en train de travailler, de regarder des films entre amis, le Acer One 10 vous offre un mode qui convient à votre activité. Choisissez parmi les 4 modes à disposition. Ouais. Le mode ordinateur portatif pour le traitement de texte, le mode tablette ou présentoir pour une utilisation tactile, et le mode écran pour le divertissement. Très bien. Tout est clair, simple et précis. Ouais. Transformez votre Acer One 10 en un seul geste, puisque la conception solokée des charnières magnétiques du Acer One 10 vous permet de passer facilement d'un mode à l'autre. Fini les connecteurs mécaniques peu commodes, ne faites que fixer magnétiquement la tablette au clavier et vous la détachez tout aussi facilement. On okay. peut parler du graphisme aussi, ouais. grâce à son écran HD qui fait quand même du 1280x800. C'est bien ça, ça correspond à quoi? Je connais pas vraiment. Bah, c'est de la haute définition. Ok, donc c'est parfait. HD est égal à haute définition. Merci, Kaufman. Vos contenus ont une apparence claire et nette. L'apparence aussi du Acer One 10 est sobre, raffinée, élégante. Son revêtement métal brossé, agréable au toucher. Il en parle bien. Il donne une apparence sobre, unique et raffinée. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, Kaufman. J'ai envie de t'applaudir. Et pour porter cette tablette pour rafler la mise en ce dernier jour. Hein. C'est bien pour un vendredi. Ah oui, pour vous le rentrez week-end. Chez vous, vous dites, chérie, devine quoi? Je t'ai acheté une Acer One 10. Menteur, je t'ai entendu sur Fun Radio. Vous envoyez PC, deux lettres, au 6322, c'est 1€ par message. PC au 6322, c'est 1€ par message. On vous souhaite bien évidemment bonne chance. C'est un vrai bijou. Vous allez faire des heureux. Attention. Oui, ça va tomber d'ici 20h. Envoyez PC au 6322, 1€ par message. Il vous reste quelques minutes avant 20h. PC au 6322, le Fun Game Kaufman. On va vous parler de Microsoft qui rachète une société de streaming. Et le son Dance Floor avec des euros. Fun Radio. Salut Bompi, alors c'est vacances. Top, d'ailleurs j'y retourne. Quoi, en Gamaïque? Oui, car Gama est ouvert ce dimanche 14 et il y a 40% de réduction sur les parasols, tonnelles et meubles de jardin. Ouais man, vive la Gamaïque. Conditions sur gamma.be. Comment bien acheter quand on voit la vie en rose? Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très wow. Près de 2 millions d'euros à gagner. Jouez au loto. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Away, because your baby is so far away. Well, there's a road in a busy bus, and the ego flies with the love. You got another one you with. Another one you with. And the ego flies with the love. You got another one you with. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Qué la cosa! Floor, ça se passe avec Miss Van Zandt. Dans quelques minutes, les meilleurs moments de la Happy Hour avec Audrey, la place au Fun Game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et une annonce pour commencer ? Oui, vous savez que Twitch est devenu très important, service de streaming pour Twitch. Twitch. Je connais pas, c'est quoi non plus ? Bah, on l'a fait toute l'année, hein, je te le signale. Merci. On a streamé des jeux vidéo sur la PS4. Ok. Et ça permet à d'autres utilisateurs de voir ce que tu es en train de jouer, okay. Le d'accord. Jeu auquel tu es occupé. Et surtout, ce sont pas les seuls. Hein. YouTube Gaming a également fait la même chose. Tu peux streamer sur YouTube tes parties. Si bien que Microsoft, ça leur a mis la puce à l'oreille, ça leur a mis des idées en tête. Et ils viennent tout juste d'acheter une entreprise spécialisée dans le streaming qui s'appelle Beam. Mais ce dernier a une particularité, et c'est que la société propose des services interactifs. Je vais m'expliquer. Les spectateurs, ouais. Donc les gens qui regardent okay, que, ouais. Pendant que tu es en train de jouer, ont un impact sur la partie, comment sur le jeu que tu es en train de faire. D'accord. Soit en proposant des challenges ouais. Pendant que toi tu es en train de jouer, ah, en sympa, disant ça. Tiens, fais ci, fais ça. Ah, c'est drôle, ouais. Soit en faisant apparaître carrément des éléments dans certains jeux. Oh putain, oh non. comme la galère. Et là, je vais te donner un exemple concret. Tu ouais. joues à Minecraft, tu regardes quelqu'un en train de jouer à Minecraft, t'appuies sur un bouton et paf, des zombies apparaissent dans Minecraft. C'est magnifique, mais c'est un ça. Piège, ça, non ah, c'est magnifique ce truc, j'adore. Donc, la service s'appelle Beam, il devrait débarquer très probablement sur la Xbox One et sur les PC. Très très rapidement, puisque Microsoft va probablement généraliser le phénomène à travers Windows. Et ce sera possible avec tous les jeux, ça, bientôt ? Exactement. Ah, c'est magnifique, bravo. Dans une heure, on parle de quoi ? Dans une heure, on parlera d'un jeu fait pour les psychopathes, un jeu d'horreur, oula, un jeu gore, peur. De non. Evil Within 2. Okay. Et sans doute en chantier, c'est une information exclusive qu'on vous apporte cet après-midi. On développe ça dans une heure, la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Nice Van Zandt, et là, c'est les meilleurs moments de la Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Attention, mesdames et messieurs, faites place au beau, au grand, au plus pressé des magiciens. Je vous demande d'applaudir jus d'orange pressé. Ouais, ça fait longtemps. Chichi, il me disait pourquoi il m'appelle plus. Mais ouais, c'est parce qu'on vous trouvait tellement mauvais qu'on avait envie de se passer un petit peu. La jambe qu'on m'a donnée, c'est qu'il n'y a plus de cadeaux offerts. Hein. On a fait la blinde de cadeaux, là, c'est bon maintenant. Et on a Jordan qui est là, qui vient de Charleroi et qui va affronter justement Mister Jus d'orange pressé. Bonjour Jordan. Salut les gars. Ça va Jordan, tu viens d'où, t'as quel âge? Ça va bien, toi? Ben, 22 ans. Et tu viens de Charleroi? Dans la région de Charleroi. Ah voilà, parce que je viens de le dire en même temps. Ça va Jordan, ça a été la journée? Oh ça va, là je rentre du boulot, elle m'a semblé un peu longue mais ça va. Ah, et tu bosses dans quoi? Je travaille chez Proximus. Chez Proximus. Ah pardon, on a deux mots à te dire. Alors ma facture. Hey, on doit jamais te saouler avec ça, sérieux. Les gens ils doivent être chiants, non? Tous les appels que j'ai presque c'est exclusivement pour ça. Des problèmes de facturation. Mon pauvre Jordan. Eh ben tu sais quoi, tu vas pouvoir te détendre là maintenant et essayer de deviner où est la bille du magicien. Elle sera peut-être à gauche, au milieu ou alors à droite. Ça va aller très très vite, donc concentre-toi. Est-ce que tu te sens prêt? Oui. Et bah hop, c'est parti. Alors Jordan, c'est parti, concentre-toi. Je prends ta facture de téléphone que je chiffonne en boulette. Et alors après je mets la boulette au milieu. Je fais un déplacement à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, deux à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et après je m'arrête. Dis-moi où je calais. Alors, à gauche, au milieu ou à droite? Au milieu. Oh, c'est gagné. Bravo. Hey, Jordan, t'as fait au pif ou alors t'as essayé de suivre le truc? Ouais, j'avoue que j'ai suivi un peu les trois derniers. Et puis comme je te explique, le dernier c'est à gauche. De base, il pouvait pas être tout à droite. Donc y avait une chance sur deux. Il est malin le petit Jordan. Eh ben félicitations, tu raccroches pas, tu vas repartir avec ton pack fun. D'accord Jordan? Ça va, un grand merci. Je te fais des gros bisous, passe une bonne soirée, tu reviens quand tu veux sur Fun. Bisous. Non, c'est toi qui raccroches en premier. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Allez, on continue le son dance floor avec l'excellent son de Maître Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Et c'est le dernier jour pour gagner la Acer One 10. C'est un PC tablette de fou. Vous pouvez faire du traitement de texte, des jeux, regarder des films, aller sur les réseaux sociaux. Un écran 10 pouces. Il vous reste que quelques minutes pour la gagner. Pour cela, vous envoyez PC au 6322. C'est 1€ par message. PC au 6322. C'est un magnifique cadeau qu'on vous offre. Oui. C'est le dernier jour. On vous a offert toute la semaine ce cadeau. Là, c'est le dernier jour. Avant 20h, ça va tomber forcément. Vous envoyez PC au 6322. Kaufman l'a déjà expliqué toute la semaine, mais il y a une super connectique en plus sur ce PC. Hein. Ah oui, en plus, j'aime les mots que tu utilises, les mots d'ingénieur informatique. Connectique composée de Bluetooth 4.0, du Wi-Fi, dernier cri. Vous avez des connectiques aussi USB, micro USB, HDMI. HDMI, ça permet de relier la tablette PC à la télé. À la télévision. Génial, exactement. Ça. Donc c'est magnifique ça, on peut jouer à la télévision au final. Ça devient une console. Si tu veux, ouais. Ouais, comme il y a un clavier, ça peut devenir une console, non? Mais je suis étonné, tu deviens de plus en plus gamer. J'y arrive, hein. Ensuite, tu as une carte mémoire, un emplacement pour les cartes mémoire SD. Tu peux upgrader ta mémoire qui est de base de 32 gigas, ce qui est déjà pas mal. Et tu peux donc rajouter ça, c'est mémoire. Énorme. Tu mets des cartes et donc tu rajoutes à peu près ce que tu veux comme mémoire. Ah, tu c'est vois. Fort ça, Young. Ouais. Ah, bien, ouais. Ouais, donc à ce niveau-là, t'as aussi des capteurs photo à l'avant et à l'arrière de 2 millions de pixels. Ah, quand même. Donc tu peux faire du Skype, ouais. Tu peux faire du Facebook Live, tu peux faire des selfies, tu peux vraiment partir à l'aventure avec cette tablette, quel que soit ton usage, que tu sois plutôt un usager mobile ou plutôt sédentaire, tranquille chez toi dans ton canapé, ouais. Et la Acer One 10, c'est à mon avis ton futur meilleur ami. Et pour les petits et les grands, ça fonctionne aussi la tablette, hein, bien exactement sûr. Vous pouvez créer diverses sessions sur cette tablette, ouais. Des sessions invitées, des sessions pour enfants, vous pouvez mettre des restrictions, bref, vous pouvez à peu près faire ce que vous avez envie, c'est la liberté totale, avec en plus une capacité de batterie qui n'est pas à négliger pour un tel engin. C'est important de le signaler, c'est à dire que vous allez y jouer quelques heures avant de devoir la recharger. Ouais, s'il y a des tablettes, t'es obligé de la charger tout le temps. Grave, tu joues une c'est heure. Relou. Tu joues une heure à Pokémon Go, même pas à Candy Crush. Tu joues une heure à Candy c'est Crush. Relou, ouais. Le jeu qui prend pas normalement beaucoup de batterie, Candy Crush. Tu joues une heure, plus de batterie, c'est bon, c'est mort. Allez, hop, je vais pas citer le nom de l'iPad. Hop, tu rebranches l'iPad et c'est foutu. Là, au moins, avec la PC tablette, la batterie est vraiment de longue durée, c'est ça, Kaufman. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avant 20h, ouais. On va vous l'offrir. Ah. Pour la remporter, ouais. Une solution, une seule, qui se compose de deux lettres. PC au 6322, c'est 1€ par message envoyé avant 20h. C'est sûr, c'est certain. On envoie quelqu'un au paradis. Avec cette tablette PC, vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Alors si vous écoutez toute l'émission, vous allez penser qu'on insiste beaucoup sur le PC 6322, mais c'est vraiment une tablette et un ça PC la peine. Magnifique, vraiment. Envoyez PC au 6322. Pour la suite de l'émission, il y a Sarah Al-Salov. Laurence, tu as lové sur quoi? Oui, sur une toute nouvelle version du film Ocean 11. Et franchement, j'ai vu le casting et ça promet du très très lourd. Ok, Kaufman, toi tu as râlé? Ouais, sur Sophie Marceau qui me les casse profond. Ah, encore Sophie Marceau? Ah ouais, non, moi je... Il y a quelque chose avec elle. Hein. Ouais, c'est ma tête. Pour tout l'été. Il y aura également le topito du jour, le top 5 des mots qu'on utilise encore mais dont on a perdu le sens d'origine. Il y aura la ville mystère, il y aura le fun game, Kaufman. Oui, on vous parlera d'un jeu qui reviendra probablement pour un second épisode, à savoir The Evil Within. Et il fait peur le jeu, non? Oui, c'est un jeu psychopathe. Ah, un jeu psychopathe, j'aime pas ça. On en parle tout à l'heure, mais là il est 18h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, c'est à tous. À propos de psychopathe, ça fait 20 ans qu'éclatait la sinistre affaire du trou. Je pense que même les plus jeunes d'entre vous en ont entendu parler, hein, même qu'à cette occasion. Raoul Hedebeau, député du PTB, le parti d'extrême gauche, a déclaré dans un journal français que si les enfants enlevés par du trou avaient été des gosses de riches, on les aurait recherchés plus activement, comme on l'avait fait en 92 avec le petit Anthony de Clercq, le fils d'un millionnaire du textile. Bref, Raoul Hedebeau parle donc de justice de classe, des propos qui ne plaisent évidemment pas à tout le monde, hein, mais un autre responsable du parti rappelle que les parents de Jolie Mélissa eux-mêmes s'étaient plaints du mauvais contact qu'ils avaient eu avec la justice. Le procureur général de Liège, Christian de Valkener, lui estime qu'il est absurde de parler de justice de classe et que des moyens très importants avaient été mis dans l'affaire du trou, même s'il reconnaît que ça n'a pas permis de sauver à temps les victimes, à part les deux dernières fillettes enlevées. À propos de sauver des gens, l'UCL, l'Université catholique de Louvain, vient d'annoncer une avancée importante dans la lutte contre le cancer. Une découverte publiée dans un journal scientifique, bah ouais, évidemment ça allait pas être dans Voici hein, non plus, et qui montre que plus une tumeur grandit, plus elle devient acide et plus elle devient dépendante des lipides comme source d'énergie. Il va donc s'agir maintenant de mettre au point des traitements bloquant l'utilisation des lipides par les cellules cancéreuses, histoire donc que les tumeurs arrêtent de grossir, et il paraît qu'avec les souris, on y est parvenu. J'évoquais à 17h les performances et contre-performances des Belges aux Jeux Olympiques. Pour le reste, signalons que le nageur américain Michael Phelps a décroché la 22e médaille d'or de sa carrière et sa 26e breloque olympique aux 200 mètres 4 nages. Le plus étonnant, c'est qu'il semble toujours aussi ému sur le podium. Je ne sais pas si un jour un athlète des îles Fidji parviendra à égaler Phelps. Les Fidji qui viennent en tout cas de remporter la première médaille de leur histoire, et en or, qui plus est. Ça s'explique par le fait qu'on a introduit le rugby à 7 cette année au JO et que les Fidjiens y excellent, qui ont battu les Britanniques en finale. Il y a un autre sport introduit cette année au JO, plutôt réintroduit pour la première fois depuis 1904, à savoir le golf. Même que le Britannique Justin Rose y a réussi ce qu'on appelle un hole-in-one, c'est-à-dire un trou en un coup bien sûr, inutile de préciser que c'est rarissime. Et puis les compétitions en athlétisme ont débuté aujourd'hui et de manière assez forte, puisque l'Éthiopienne Ayana, championne olympique de 10 000 mètres, a pulvérisé de 14 secondes le record du monde. Un record qui tenait depuis près d'un quart de siècle. Fun. Avant le Sarah Salov, on fait un point sur la météo. Carlo, barbecue ce week-end? Ouais, éventuellement avec une petite laine si tu fais ça le soir. Okay. Entre 20 et 24 degrés en journée, c'est pas trop mal, même si nous aurons toujours pas mal de nuages. Et on aura bien l'occasion de voir le soleil également, donc un week-end assez agréable. Un long week-end, puisque lundi, c'est de l'Assomption. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son de Maître Gims. De Maître Gims, voilà. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour, je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mort, je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça, ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'est fait plus que en absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la vie. Allez, c'est bientôt le week-end, on continue le son Dance Floor avec le son des Nures sur Fun Radio. C'est l'heure de râler et de lover. On commence par Laurence qui a lové. Oui, alors est-ce que vous connaissez le film Ocean Eleven? Ocean Eleven. Kaufman, t'as dit quelque chose? Non, moi je connais Ocean Eleven. Ah, oh, excuse-moi, l'accent, ah. Monsieur. British Mr. Bean, on l'appelle, donc, monsieur. Ocean Eleven, c'est avec qui ça déjà? C'est avec Matt Damon, Brad Pitt, ah, oui, George Clooney, plein de beaux gosses. Ok, en fait. Ouais. Et donc, du coup, bah, maintenant en ce moment, c'est grave la mode de faire des remakes de films avec des filles. Donc SOS Phantom par exemple, ils l'ont fait, ça a un peu raté, ouais. Mais là Ocean Eleven, ils ont décidé de faire la même chose. Donc casting 100% féminin. Et dedans il y a Kate Blanchett, Sandra Bullock, Anna Hathaway et la belle Rihanna. Rihanna, ouais, elle qu'on sera diffuse dedans. Sur Fun Radio, elle est actrice. Exactement, en fait. Et c'est une très très bonne actrice, ah. Et moi voilà, j'ai grave lové parce que les filles, ben, on est de plus en plus partout. On est dans la musique, au cinéma, on est un peu partout. Moi j'adore ça. Ouais, ça qui m'inquiète moi. Ça m'inquiète. Mais, ah ouais. Mais dis donc. Parce qu'avec tout ça, elles sont plus en cuisine, hein. Les eh ben, de base. Le monde change et moi je trouve ça très très bien. Kaufman, toi t'as râlé, hein. Bah oui, il y en a une, j'en peux plus, hein. Encore une femme. Ah oui. Sophie Marceau. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci? Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, elle faisait déjà l'objet de mon coup de gueule, oui, sais, oui, quotidien, oui. Et là elle remet ça. Ce n'est pas la première fois, ni probablement pas la dernière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais l'actrice française fait une nouvelle fois la une du magazine français en très petite tenue. Cette fois, c'est pendant ses vacances à Capri que l'actrice de 49 ans a été surprise en très très petite tenue, hein, topless, on va le dire. Elle avait rien dessus. La compagne de Cyril Lignac, ouais. Croquin. Ah oui, le cuisinier là, ouais. C'est Croquin. Ah, c'est Croquin. Oui. Ah, en effet, une fois de plus, c'était surprise seins nus en vacances. Et ah après, là là. Va venir se plaindre qu'elle s'est fait paparadier. Mais la belle ne cherche que ça, finalement, attirer l'attention des photographes avec sa poitrine généreuse. Tu penses qu'elle le fait exprès? Bah, quelque part, c'est un jeu qui s'est installé. Et puis, dans quelques semaines, vous verrez, elle poussera de nouveau un coup de gueule contre les photographes. Mais ma belle Sophie, si forcément tu te mets à poil, faut pas t'étonner. Que les photographes accourent, hein. C'est un peu les abeilles qui viennent, enfin les mouches qui viennent se coller contre le miel, quoi. Et t'as vu la photo, toi? Évidemment. Ça t'a fait quoi? Journaliste d'investigation. Très bien, pour la suite, ça se passe avec le PC toujours à gagner, Kaufman. Hein. Lancer One 10, on n'est plus qu'à 120 minutes du but. Ouais, 120 minutes de bonheur. 120 minutes du but pour vous l'offrir ce soir, il ira chez quelqu'un. C'est peut-être vous, peut-être pas, mais pour ça, il va falloir jouer avec nous. Vous envoyez PC au 6322 pour 1€ le message et ce petit couteau suisse technologique est peut-être à vous. Oui, on en parle juste après Enure avec Calabria 2007 sur Fun Radio. We'll be right back. Radio. Le son. Dance Floor. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. I think this is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Le son dance floor continue avec Cashmere. Il vous reste une heure et demie pour jouer et gagner la PC tablette Acer One 10, Laurence. Alors oui, l'Acer One 10, bah, c'est un PC tablette 2 en 1, comme tu l'as dit. Ouais. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, pour le clavier, c'est magnétisé. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que c'est juste un aimant en fait, il y a pas de fil, il y a pas. Ah c'est cool ça, ouais. C'est bien. Hyper hyper bien, c'est hyper pratique aussi pour aller en cours, hein, pour prendre des petites notes avec la batterie en plus qui est hyper de longue durée, c'est top. On peut jouer à des jeux dessus, okay. On peut regarder des séries, on peut vraiment faire tout ce qu'on fait avec un ordi, mais sur une tablette. Moi je trouve ça vraiment génial. Donc on envoie PC au 6322, c'est 1€ par message. Oui, c'est la dernière à faire gagner de la semaine. Envoyez PC au 6322, c'est un énorme cadeau. PC au 6322, c'est 1€ par message. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Topito, le top 5 des mots qu'on utilise encore mais dont on a perdu le sens d'origine. Il y aura également la ville mystère pour gagner plein de cadeaux, Kaufman. Oui, on a des goodies jeux vidéo, des jeux vidéo. On a de quoi vous régaler, et les le amis. Fun game aussi, Kaufman. Bah oui, on est venu avec une information relativement exclusive de Evil Within 2 et probablement en chantier. On vous dit tout avant 19h. Et le son dance floor avec Cashmere. Hey les amis, de Soigny à Durboué, Facebook c'est fini. Roulez non connecté.be, une action de l'IBSR et BEZ. C'est l'été, et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule, dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil, il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot, c'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Et maintenant, la météo.

Dans quelques minutes, la ville mystère et le fun game avec Kaufman. Oui, on a une info très exclusive à propos du second épisode de Heavy Within. On en parle tout à l'heure. Là, c'est le topito du jour, le top 5 des mots qu'on utilise encore mais dont on a perdu le sens d'origine. En cinquième position, être sur la sellette. Tout le monde connaît l'expression, ça va autour de la table ? Oui. Mais que veut dire le mot sellette pour vous, Kaufman ? La sellette ? Ouais, la sellette, c'est quoi pour toi ? C'est une petite selle. Une petite quoi ? Selle. Selle, ok, très bien. Laurence ? Moi, je dirais une petite chaise un peu vacillante comme ça, non ? Eh bien, la sellette, c'est un petit siège bas sur lequel on faisait asseoir les accusés avant. Et c'est pour ça qu'on est la sellette, parce qu'on est accusé un peu. Allez. Voilà, maintenant tu le sais, Kaufman. Oui, bien sûr. Quatrième position, le joueur entre en lice. Que veut dire en lice pour vous, Kaufman ? En lice ? En lice, ouais. T'as déjà entendu à la télé, ouais, le joueur entre en lice. Oui, il entre en jeu. Ouais. Pour toi, c'est en jeu, ça veut dire en jeu. Bah non, ça doit venir, je sais pas, moi, d'un truc, c'est pas avec le vin ou un truc comme ça. Avec du vin ? Ouais. Ok, très bien. Et toi, Laurence ? Bonne question, je sais pas du tout. Eh bien, la lice, c'est un champ clos dans lequel se déroulaient les tournois. Ouh. Au final, rien à voir avec le vin, Kaufman. Mais très bien. Fais-moi passer pour un con, je dirais rien. Bouge B, que signifie B ? Bah, la forme du B. La forme du B pour toi. Et Laurence ? Bouge B. B, ça signifie quoi pour toi ? Je sèche. Tu sais pas. Ça veut dire grand ouvert. Bouge grand ouvert, on dit bouge B. En deuxième position, à huis clos. Que signifie huit ? Huit ? Ouais. Oh là là. Compliqué. Tout le monde pensait que huit clos c'était le nombre, huit. Mais pas du tout, aussi. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout. Clos, non, je sais pas. Tu ne sais pas, Laurent, c'est pas non plus. Eh bien, le 8, c'est l'ancien nom de la porte. Pour dire une porte, on disait le 8. Mais non. Donc, c'est porte close au final, il n'y a personne qui rentre. Première position, ça fait des lustres. Que veut dire lustre ? Bah oui, c'est un nom, c'est des lampes, les lustres. Oui, mais ça fait des lustres. Dans l'expression, ça fait des lustres que je t'ai pas vu. Bah, ça vient des lampes. Ça vient des lampes pour toi, ok, très bien. Et toi, Laurent ? C'est comme ça avant qu'on disait genre décennie ? Décennie ? Et non, ça veut dire une période de 5 ans. Oh, j'étais presque, hein. C'est gentil. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'une période de 5 ans. Kaufman, t'es très bon sur les mots. Non, mais je sens que c'est une chronique qu'on va vite oublier. Très bien, la ville mystère. Dans quelques minutes, on a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Hein. Ah non, pas du tout. Et bien sûr, on a des goodies, on a des jeux vidéo. On a pas mal de trucs à vous filer. On va vous régaler. C'est que du fun. Et là, on trouve Kungs avec This Girl. Hey. Nouveauté Fun Radio. Madcon et Willy William. Fun Radio. You know I've been around the world, yeah. But nothing can beat the view of you putting that thing to work like a 9 to 5. You got them sun-kissed eyes, girl, you hotter than July. If I act a fool, it's because of you. You take me back in time, feels like 1989. If I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? Efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous, mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé, toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my cool? On est posé sur Fun Radio avec le son de Justin Timberlake qui arrive. Dans quelques minutes, c'est le Fun Game de Kaufman, mais la place à la ville mystère. Le principe du jeu est simple. J'ai une ville en tête et au 63-22, 1€ par message, vous allez devoir retrouver la ville. Laurence Kaufman nous posait des questions pour aider les auditeurs. Oui. Kaufman en a plein de cadeaux à faire gagner, hein. Oui, des goodies, des jeux vidéo, on a de quoi vous régaler jusqu'à 20h sans parler. Et bien de la tablette tactile qu'on vous fait également bien sûr remporter ce soir. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63-22. Posez des questions, Laurence Kaufman. On commence par Kaufman. Oui, est-ce que c'est une ville en Europe? Une ville en Europe, oui. Est-ce que c'est dans un pays plutôt froid? Non. Est-ce que c'est près de la Méditerranée? Oui. Est-ce que c'est donc dans un pays chaud? Bah oui, un pays chaud, oui. Ok, est-ce que la ville se situe en Espagne? Non. Est-ce que c'est en Allemagne? Non plus. Est-ce que c'est une île? Une île? Ouais. Non. Donc c'est pas en Croatie? Non, ce n'est pas en Croatie. Est-ce qu'on y mange bien, tiens? Parce que tu sais bien que moi c'est quelque chose à laquelle... Bien sûr, on y mange très bien. D'accord. C'est quoi les monuments connus? Les monuments connus? Tu veux dire avec les monuments connus? Bah, je vais te donner qu'une place, la place de la République. Allez. Elle est partout. Ouais, elle est partout, je sais. Mais je veux qu'on resserre avant de parler de monuments, on va resserrer un petit peu le coin. D'accord. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs équipes de foot connues là-bas? Oui. Est-ce que ça serait pas en Grèce? Non, ce n'est pas en Grèce. Cherchez le pays déjà. D'accord. Est-ce que c'est en Hongrie? En Hongrie? Ouais. Non, je connais personne là-bas. Laisse tomber, non, c'est pas ça. Est-ce que ça serait pas en Suisse? En Suisse, non. On va y arriver, hein. Bah oui, est-ce que ça serait en Italie, tiens? En Italie, oui. Enfin, ah, on y est. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Je cherche une ville en Italie. Laurence. Est-ce qu'il y a des gondoles là-bas? Des gondoles, non. Est-ce que... Oh là là, en Italie, attends, j'y vais pas souvent en Italie. Est-ce qu'il y a l'équipe du AC Milan qui joue là-bas? AC Milan? Non, ouais. Non, c'est pas Milan. Est-ce qu'on y mange des pizzas? Oui, bah en Italie, oui, partout on mange des pizzas, normalement. Est-ce que c'est une ville dans laquelle il y a une place qui s'appelle Piazza de Navona? Piazza de Navona? Ouais, t'as voulu jouer le malin, bah maintenant t'as su. Piazza de Navona, je dirais oui. Est-ce que c'est la capitale? Est-ce que c'est la capitale? Oui. Est-ce qu'on y trouve la fontaine de Trévise? Oui. C'est quoi les autres monuments connus? Ah, là, tu les veux les monuments? Oui, je les veux. Il y a le Colisée, on peut dire ça. Ok. Il y a une basilique aussi très connue là-bas. Ah ouais. La basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, effectivement. Ah, comme on a trouvé. Je crois que j'habite. Oh non, pas lui. Juste à côté. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Voulez-vous un indice sonore, les amis? Oui. Oui. Allez, indice sonore. Il est un peu compliqué celui-ci, mais je vous l'explique après. Écoutez bien. Hein. Alors ce n'est pas Bangkok, hein. Ce n'est Arnaque. Pas non, c'est pas l'arnaque. C'est pas Bangkok que je cherche, mais dans le titre de la chanson, il y a le mot que je cherche. Mais remets un peu. Tu le remets. Ouais. C'est Baby K, hein, pour ceux qui cherchent. Attention, c'est parti. Le titre c'est 111 Bangkok et je cherche le 111. Voilà. Le titre. Ouais, je cherche dans le titre. Il y a la réponse dans le titre, hein, vraiment, de la chanson. Bah non, c'est pas vraiment la réponse. Bah, si. C'est Roma Bangkok. Ah oui, bien sûr, bah oui, bah c'est la réponse. Parce qu'en italien, comment on dit la ville que je cherche? Bah on dit Roma. Mais non, on la demande en français. Ah oui, bien sûr, je la demande en français. Donc, mais c'est un indice. Il y a quand même une lettre à changer. Oh oui, monsieur Scrabble, oui, effectivement, il y a une lettre à changer. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On vous a quasiment donné la bonne réponse. Ça commence par un R, c'est en 4 lettres. C'est la capitale de l'Italie. Je vous laisse le temps de Justin Timberlake pour envoyer la bonne réponse. On a des jeux vidéo à faire gagner, des goodies collector, des packs fun. Allez-y au 6322 pour envoyer la bonne réponse. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100€, vous recevez une réduction de... BAM 10€. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale, et devancer Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. Fun Radio. Think about you every day. Try so hard to live without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave.

Le son dance floor continue avec Sigala sur Fun Radio. Et c'est le moment de connaître la réponse à la ville mystère. Et j'accueille Gaëtan qui est avec nous. Salut Gaëtan. Salut Gaëtan. Comment ça va Gaëtan? Ça va très bien, merci. Et vous? Ouais, on est en pleine forme. Ça va, nous, ça va. T'as quel âge? Tu nous appelles d'où Gaëtan? Alors moi j'ai 39 ans, je viens de Bruxelles. Ah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de la capitale. Je cherchais du réconfort parce qu'on a que des gens qui viennent d'ailleurs, tu vois. Et en ce moment t'es sur la route Gaëtan? Oui, je suis dans les bouchons. Bien là, à Bruxelles. Où ça? Comme ça on peut faire un infotrafic en même temps. T'es où là Gaëtan? Ben, j'arrive à Montgomery en fait, là-bas le fameux tunnel qui est fermé, donc évidemment c'est la catastrophe. Dans 3 heures t'es chez toi, t'inquiète pas hein, Gaëtan, ça va aller vite. Hein. Dis-moi c'est quoi la bonne réponse à la ville mystère? C'est Rome. Rome, on vérifie. Dance. Bravo, bien joué Gaëtan. Tu repars avec un très beau cadeau. Et tu aimes les jeux vidéo Gaëtan? Tout à fait. Écoute, on va t'envoyer des goodies jeux vidéo. Si ça peut te faire plaisir, ça nous fait plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, c'est super gentil. De rien, avec grand plaisir, on prend tes coordonnées. Hors antenne, ne raccroche surtout pas Gaëtan. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée et bon courage sur la route Gaëtan. Ouais. Bon courage. Pour la suite, le Fun Game Kaufman, on est prêt. On est au taquet. Comme d'habitude. Allez, c'est parti, Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et c'est une annonce exclusive. Grosse info exclusive dans le Fun Games, là dans C'est que du fun. Le second épisode de Evil Within. Evil Within. Il y en a un sur trois qui parle anglais. Oui, c'est toi. Eh bien, il serait en chantier le second épisode, donc, puisque je vous rappelle un petit peu hein, de quoi il s'agit de Evil Within. C'est un peu le joueur qui incarne un inspecteur de police qui s'appelle Sébastien Castellanos, un inspecteur de police dont l'enquête sur un meurtre dans un hôpital psychiatrique va tourner au cauchemar. Oh, ok. Alors déjà, rien que le pitch, t'as compris qu'il va falloir être un petit peu tordu pour comprendre le jeu. C'est un jeu assez gore, dans lequel tu as assez peur aussi, parce que tu mènes l'enquête, mais à tout moment, peut surgir des monstres, des gens un petit peu dérangés, ma boule. Ouais. Et le second épisode serait en chantier, c'est en tout cas ce qu'a affirmé le vice-président de la société de développement. Tout simplement, il a expliqué que le premier épisode s'était déjà très bien vendu et que donc forcément le deuxième épisode était en chantier. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que les journalistes se précipitent sur cette information et nous aussi, nous y sommes. Donc on vous annonce déjà The Evil Within numéro 2. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans quelques mois certainement. Sur quelle plateforme, on le sait ou pas? PS4, Xbox One, PC. Très bien, Laurence. On raconte la fois où on a joué chez moi et t'as flippé? Non, on raconte pas. Ok. il fait peur ou pas le jeu? Vraiment, il fait très très peur. Ah, ouais, okay, ouais, très bien. Ce n'est pas pour moi, merci. Dans une heure, on évoque quoi, Kaufman? La Formule 1 version 2016. Très bien, le Sundance Floor, ça se passe avec Sigala. Et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On a reçu un petit message au 3044 de Michael. Visiblement, Michael qui a besoin de l'aide de l'équipe. Salut Michael. Salut Audrey. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bah super. Bon, hey Michael, pourquoi tu fais appel à l'équipe? Qu'est-ce qui se passe? Ma copine est enceinte. Oh, s'il vous plaît. Monsieur a bien travaillé. Monsieur a mis la graine au fond du panier. A mis le ballon au fond du filet. Et tu veux qu'on fasse disparaître ta copine, c'est ça? Non, je sais pas, je demande. Tu sais, il y a des gens qui sont contents, hein. Ça peut être une bonne nouvelle. Hein. Et fais pas le malin, toi, parce que ça fait combien de temps que t'es avec ta copine, Fab? Qu'est-ce que ça a à voir? Non, mais vas-y, dis-nous. Ah, six. Six mois. Six mois. Ouais. Attends, tu vas voir, elle va bientôt te parler de bébé. On rigole. Et bientôt, Fab va devenir papa. Oh, je parie qu'il va devenir papa avant décembre. Mais non, mais quelle erreur. Si, je le sens. Regarde, il a des petites étoiles dans les yeux. Je suis sûre qu'il va être papa. T'imagines un mini Fab? Non. Ah ouais, non, c'est vrai que ce serait chiant, non, ça, quand non, même. Non, mais après, abandonne le projet. Après, s'il tient toute Julie, la copine de Fab, ça ira, quoi, tu vois. Et il peut s'en sortir dans la life. Bah, à la limite, elle peut le faire avec quelqu'un d'autre, si ouais, tu c'est mieux. C'est ça, ouais. Dis-lui que je suis disponible en ce moment. Bon, Michael, elle est enceinte depuis combien de temps, ton amoureuse? Ça fait 2 mois. Ah ouais, c'est récent ça. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ouais, tout plein. Bon, et alors, comment on peut t'aider? On doit venir à l'accouchement? On doit pousser. Non, ça va. J'aimerais trouver une façon, en fait, une façon originale de le dire à mes parents, en fait. Je sais pas si t'es tombé sur la bonne équipe pour ça, tu sais, parce que... Idée originale. Est-ce que est-ce qu'ils sont d'accord avec ce truc? Bah, dis, ça va, il a 28 ans, c'est bon. Mais enfin, il va pas galérer. Bah oui, ils vont être contents. Moi, j'ai une idée. T'invites tes parents à bouffer.

Et c'est le dernier jour et même la dernière heure pour gagner l'Acer One 10. C'est un PC tablette de fou. Vous pouvez faire plein de choses avec du traitement de texte, des jeux, regarder des films, aller sur les réseaux sociaux. Un écran 10 pouces, il vous reste que quelques minutes. On la gagne, on la fait gagner avant 20h pour la gagner. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Vous envoyez PC au 6322, c'est un magnifique cadeau qu'on vous offre d'ici 20h. Kaufman, tu l'as testé, toi, tu peux le dire, hein, c'est vraiment un très très beau cadeau. Oui, c'est un très beau cadeau. En plus, on a oublié de le dire, mais c'est une tablette Android et vous pourrez télécharger absolument toutes les applications que vous voulez sur cette tablette. C'est pas du tout un environnement fermé. C'est bien, c'est Android. En plus, tu vois, c'est souvent gratuit quand tu vas sur le Play Store pour télécharger, que ce soit. Que ce soit Facebook, que ce soit les autres applications. Donc il n'est pas question de payer, enfin de trop payer maintenant si tu vas dans d'autres applications forcément. Et en plus, cette tablette, elle va te permettre quoi? De faire plaisir à qui? À moi? Posons-nous les questions. Non, je sais pas. Aux enfants, tout petits, pour regarder YouTube, les dessins animés. Aux plus grands, pour jouer en 2D, en 3D, pour partager les réseaux sociaux. À ceux qui ont envie de bosser, parce qu'il y en a. Hein, ouais, bien parce sûr. Que nous, on fait les, on fait les malins. Clowns, les mariolos derrière la radio, mais il y en a qui bossent. Donc, traitement de texte, tableur. Tu vois tout ce qui est Office en fait. Tout le pack Office, il y a moyen de le faire en Open Office. Et donc bon, c'est un peu le couteau suisse technologique. Il faut le répéter toute la semaine. Couteau suisse technologique, ce n'est pas un outil de remplacement. Détrompez-vous, c'est un PC à part entière que vous pouvez transformer en tablette. C'est pas de la rigolade. Et pour le remporter, il vous reste quoi? Il vous reste à peu près une heure pour envoyer de lettres PC au 6322. C'est 1€ par message. Et croyez-moi, vous serez content. Vous serez content de nous avoir écouté au moment où je vous ai dit PC au 6322 pour 1€ le message. Ouais. Parce que quand vous l'aurez en main, vous ne regrettez pas. PC au 6322, il vous reste moins d'une heure. La suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack. On a également des traditions, Laurence. Oui, parce qu'on fête tous son anniversaire à un moment dans l'année. Oui. Mais dans le monde, ça se passe différemment de chez nous. On verra ça tout à l'heure. Le Fun Game Kaufman. On parlera de la Formule 1 version 2016. Il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Des centaines de Belges pourraient être espionnés via des caméras de surveillance privées diffusées illégalement sur un site web russe qui pourrait représenter un vrai danger pour ces gens, hein, au cas où des personnes mal intentionnées se mettraient à regarder ces images et observer les habitudes des gens dans une perspective de cambriolage ou de kidnapping, pourquoi pas. Ces caméras montrent une petite centaine de lieux en Belgique, comme des jardins privés, des cafés ou des bureaux. Bref, cette histoire inquiète très fort Philippe de Backer, secrétaire d'État en charge de la protection de la vie privée, qui compte bien faire appel à la Computer Crime Unit de la police fédérale. Le gestionnaire du site en question affirme opérer en toute légalité, mais ce sont des carabistouilles, hein, comme on dit chez nous, vu que les personnes qu'on voit sur les images n'ont jamais donné leur autorisation. Ça pourrait donc difficilement être légal. Les comptes à vue des ménages belges sont dotés en moyenne de 5 300 €, soit un tiers de plus qu'il y a 2 ans. C'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans l'Écho. Et avec 9 milliards d'euros de plus en un an, ces comptes à vue ont atteint un montant record de 75 milliards d'euros. Là-dessus, certains demanderont peut-être pourquoi les gens ne transfèrent pas cet argent sur des comptes d'épargne qui rapportent des intérêts. Mais c'est que justement aujourd'hui, ces intérêts n'en représentent quasi plus aucun intérêt. 0,11%, c'est vraiment le minimum légal, juste pour dire. La compagnie aérienne Air Djibouti en faillite en 2002 et récemment relancée vient d'effectuer son premier vol passager entre Cardiff au Pays de Galles et Djibouti, donc dans la Corne de l'Afrique. Et alors ce qu'il y a de cocasse, c'est que l'appareil était piloté par un certain Bruce Dickinson, qui est le chanteur d'Iron Maiden, le célèbre groupe de heavy metal. Bah oui, même si vous ne le saviez pas, vous aurez compris que ce monsieur est aussi pilote de ligne. Il est également le propriétaire de la compagnie qui gère Air Djibouti. Et ça me fait un petit peu penser au jour où je suis monté sur une moto pilotée par le guitariste des CDC, et lui aussi hein, avait son permis. Les Jeux Olympiques de Rio ne doivent évidemment pas nous faire oublier les affaires courantes, hein, comme le championnat de Belgique de football qui en sera ce week-end à sa 3e journée avec ce soir le déplacement du co-leader Anderlecht à Saint-Tron. Le Sporting de Charleroi, autre co-leader, espère poursuivre son sans-faute demain à 18h face à la Gantoise. Et dimanche, le Standard se déplace chez le 3e co-leader, Zulte Waregem.

Ok, ça va. Allez, c'est parti. Première carte, c'est un 10. Waouh. Déjà, on commence ça, hein. Vite aujourd'hui. Ouais. On continue, Audrey? Oui. Très bien, on continue. Deuxième carte, c'est un 4. 10 plus 4, 14. On continue? Oui. Ok, très bien. Troisième carte, c'est un 2. 14 plus 2, 16. 16. Est-ce qu'on continue, Audrey? Mais non, arrête tout. On continue, oui. Très bien. Quatrième carte, c'est un 3. 16 plus 3, 19. 19. Non, 19. Ah. Oui. Ça fait donc un pack fun, Audrey. Est-ce que tu vas tenter le coup de 21? Il te faut un 2. Oui. Ouah, c'est chaud, hein. On est fin de semaine, on est généreux ou peut-être pas. Ouais, je tente. Tu tentes? Oh, joueuse. Attention, dernière carte, Audrey, dernière carte, elle est là. C'est parti, je vous la dévoile. C'est quoi? Oh, c'était presque ça. Pas. C'est un 10. Oh non. Ah, c'est un 10, ça fait 29, c'est beaucoup trop, Audrey, malheureusement. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est perdu, Audrey. Mais rassure-toi, la semaine prochaine, on jouera au jeu du 31. Tu auras peut-être gagné à ce moment-là. Désolé, Audrey, hein. C'est pas grave, merci. De rien, passez une bonne soirée. Grave. Bisous, bisous. À la prochaine, merci. À la prochaine. Salut. Bisous. Oui. Pour la suite, ça se passe avec les traditions, Laurence. Bah oui, parce qu'on fait tous notre anniversaire un monde dans l'année. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé d'aller voir comment ça se fêtait ailleurs. Et on a toujours un énorme cadeau à vous faire gagner avant 20h. Ah oui, un énorme cadeau, c'est peu de le dire. Laser 110. Ouais. Le couteau suisse technologique, il est peut-être à vous. Pour ce faire, vous envoyez PC au 63 22, PC au 63 22 pour 1€ le message. Et là, voici John Legend et Summer Night sur Fun Radio. I see you in my head, you ain't like the rest, you ain't bringing me down, baby. You're right next to me, we're making history, the sun's about to go down, baby. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Bring the action. When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us.

where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Dans un instant, c'est Lost Frequencies qui débarque sur Fun Radio. Il y aura aussi le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de la Formule 1 version 2016. Et là, on fait un tour du côté du monde avec les traditions. Exactement, mais je vais commencer par une petite question parce que j'adore ça. Alors, vous avez fêté comment votre anniversaire dernièrement, la dernière fois que vous l'avez fêté? Dernièrement, c'était en studio, c'était ici. Moi aussi. Kaufman, toi aussi? Moi aussi, ouais. Ah oui, voilà, on l'a fêté avec les copains. C'est quand même spécial. Avec les copains en radio. Je suis ravi que tu t'en souviens. Ah, mais est-ce que j'étais là? Je suis pas sûr que j'étais là. En janvier, t'étais pas encore là? Non, j'étais pas là, je crois. Donc, Laurence, du côté du monde, ça se fait comment? Alors, dans le monde, ça se passe comment? On part directement en Allemagne. En Allemagne, okay. Et à votre avis, comment on fête notre anniversaire là? En Allemagne, je sais pas, avec une petite danse autour d'une table. Mais je sais non, pas. Avec une saucisse et une bière. Non, non, on sort des clichés et on fête ce qu'on appelle le Sockenkranz. Je sais pas si je le dis bien. Ah, mais en fait, ce Sockenkranz. Selon vous, ça consiste en quoi? C'est je une tradition pas. Là-bas. Vous savez pas du tout? Moi, je sais pas du tout. Le Sockenkranz, non. Non, je sais pas, c'est quoi? Fait longtemps. Alors, que je l'ai pas fait. On accroche des vieilles chaussettes, bien crado, ouais. Bien bien sales, sur la porte des célibataires mâles le jour de leur 25e anniversaire. Ah oui, ah, ok, c'est ça. Pourquoi comme truc? Ben, c'est ça pour leur rappeler en fait qu'il serait peut-être temps de prendre soin de soi et de trouver quelqu'un. Ah, c'est une bonne méthode pour rappeler qu'il faut trouver quelqu'un et c'était le temps de grandir maintenant, 25 ans, faut y aller. Exactement, hein. Donc tout le quartier c'est que tu fais ton un quart de siècle et que t'as personne et que t'es seul. Bon, voilà. Très bien, Upi. Alors, on va en Jamaïque, à votre avis, comment on fête son anniversaire là-bas? Ah, Jamaïque, Kaufman et l'idée. Tu fumes avec de la poudre? Non, non, c'est pas avec ça. Ah, avec de la poudre, mais pas la passe à laquelle vous pensez. Avec laquelle? En fait, là-bas, ils sont un peu rigolos et donc la famille et les amis ils s'unissent pour élaborer ce qu'on appelle un pan machiavélique. Ouais. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre la personne et l'enfariner. Oh, sympa comme truc ça. Ouais, je me suis enfariné. Et les derniers pays, Laurence? Alors, on part au Royaume-Uni et en Irlande parce que voilà, ils partagent en fait la même tradition tous les deux. À votre avis, comment on fait là-bas? Royaume-Uni, Irlande, je sais pas, avec les dindes, ils sont souvent avec les dindes par là, non? C'est pas ça? Ben, c'est comme ça que t'appelles la reine mère. Oui, j'ai aucun respect pour elle. Je rigole. Comment en fait? Ben, c'est un concept assez chelou. Enfin, moi, je trouve en tout cas, ils cognent le pet en fait de l'enfant autant de fois qu'il y a de bougies sur son gâteau anniversaire. Non. Donc, si t'as un an, bah une bougie, donc une fois, deux ans, deux fois, et ainsi de suite. T'as quel âge, Kaufman? Moi, je suis âgé et franchement, j'ai mal au cul. Allez, t'as le temps de le faire, là, dans les escaliers de fun. C'est parti, le fun game dans quelques minutes, Kaufman. Oui, on parlera de la Formule 1 version 2016. On en parle juste après Lost Frequencies Beautiful Life sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est que du fun. Mountain high and river low, It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Amir pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. Allez, place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on parle Formule 1. Tu fais bien, Amir. Ouais, je vois ça de mieux en mieux. On annonce une édition de Formule 1 2016 totalement exceptionnelle. Les modes ont été revus, corrigés. Leur réalisme est encore augmenté comme chaque année. Mais là, on tient véritablement un jeu qu'il ne faudra pas manquer. Et on a eu quelques spécifications plus ou moins techniques sur ce jeu de course. Puisqu'il sera en 1080p sur PlayStation 4. Okay. Autrement dit, il sera en très haute définition sur la PS4. Un peu moins sur la Xbox One en 900p. Par contre, ils seront dans les deux cas en 60 frames par seconde. C'est quoi ça ? C'est l'animation, c'est le taux d'animation. Ah, ok, et c'est bien ? Ce qui est plutôt très bien, okay. Ouais, puisque c'est plutôt l'important, tu vois. Je veux dire, c'est ce qui permet aussi de donner plus de réalisme. Quand il y a plus d'images par seconde, forcément, ça augmente le réalisme. C'est un peu comme au cinéma d'ailleurs. Et c'est quoi le but du jeu ? Le but du jeu dans Formule 1 2016, ouais, c'est quoi ? Essaye de deviner. Mais je pense que. Non, mais t'es un coureur ou t'es un manager ? T'es un coureur. Ah, t'es un coureur. C'est une bonne question quand même. Ouais, je pensais que t'étais manager en fait d'une équipe et que tu devais coacher les coureurs. Mais non. Non, t'es un coureur automobile. Tu choisis ton écurie. On promet un mode carrière assez étoffé. Un mode multi en ligne assez sympa. Et ce qui est bien aussi pour tous les amateurs, c'est que tu peux faire les réglages Formule 1. Comme dans la réalité, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est sympa ça. Ça sort quand ? Bah, ça sort bientôt. Ça sort en. En octobre. Ok, PS4 et Xbox One. Exactement, et PC. Et PC, très bien. Merci Kaufman. Pour le reste de l'émission, on a le gros cadeau à vous offrir. Hein. Oui. Ah, c'est pas un gros cadeau, c'est un très joli cadeau. Ouais. C'est le couteau suisse technologique qu'il ne va pas falloir manquer. La Serwanten, vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Et croyez-moi, vous allez vous régaler si vous le gagnez. Oui. Vous envoyez PC au 6322 et nous, on vous souhaite bonne chance. Bonne chance, on en parle juste après. Amir, j'ai cherché. Refais you pour voir. You. Moi je préfère Amir. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Jonas Blue arrive sur Fun Radio. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner l'Acer One10. C'est un PC tablette de fou. Vous pouvez faire plein de choses avec du traitement de texte, avec Word, des jeux Candy Crush, Pokémon Go, etc. Regardez des films, allez sur les réseaux sociaux. Écran 10 pouces, écran HD. Il vous reste que quelques minutes, moins de 5 minutes pour la gagner. Envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. PC au 6322, c'est un magnifique cadeau qu'on vous offre, ouais, pour cette fin vraiment. De semaine. Laurence, tu l'as pu le voir. Kaufman, oui, aussi, oui. Vous avez pu voir la tablette, le PC. Conquise. C'est un magnifique cadeau. Hein, Kaufman, hein. Ah oui, l'engin a tout pour plaire, hein. C'est pas une machine de remplacement. Je vais vous le répéter une dernière fois cette semaine. C'est plutôt le couteau suisse technologique. Oui, il est toujours couteau suisse, hein. Ah oui, mais moi je changerai pas d'avis, hein. Tu vois, je l'ai testé tout le week-end dernier. C'est franchement pas une machine comme ça qui va servir à la place de. Non, ça va devenir ta machine principale. C'est une tablette hybride, un netbook sous Windows qui devrait vous permettre de nombreux usages, tant chez vous qu'en mobilité, si vous êtes amené à faire du trajet, si vous devez encore partir en vacances. La capacité de batterie, la qualité du Wi-Fi, même la vitesse du stockage embarqué, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a de l'importance forcément parce qu'il conditionne le temps d'accès à vos données. Et là, en l'occurrence, c'est un très très bonne vitesse de stockage embarqué. En fait, c'est tous les détails qui font la différence au quotidien sur ce type de machine. En plus, vous rajoutez à ça la transformation en un seul geste grâce à des charnières magnétiques. Fini les embarras pour les transformer de tablette en PC. C'est le clavier qui est, c'est ça, hein, qui exactement. Est fixe, ouais. Exactement, les graphismes sont superbes avec son écran HD, tu le disais, 1280x800. Tous vos contenus ont enfin une apparence claire et nette. C'est très très sympa. On s'abîme plus les yeux quand on regarde un film. L'apparence de ce Acer One10, je l'ai dit aussi, elle est sobre, raffinée, élégante. Ouais, elle est parfaite. Et vous prenez plaisir à toucher cette tablette. Calme-toi quand même. Ben non, elle donne. Elle est agréable. Elle est agréable au toucher. Ah. C'est important, tu vois. Quand tu passes tes nuits seul, ben, il faut bien toucher quelque chose. Donc, vous pouvez la gagner. Hein. Maintenant, il vous reste que quelques minutes pour se faire. Vous envoyez PC au 6322. Après, c'est trop tard. Faudra pas venir pleurer chez nous. Et la semaine prochaine, on est évidemment encore de retour avec de nouveaux cadeaux. Mais là, pour l'heure, concentrez-vous, sortez votre mobile. Vous allez dans la rubrique message, parce que c'est cette rubrique-là. Oui. Vous mettez 6322, c'est le numéro du destinateur. Et dans le message, uniquement deux lettres. PC, même pas besoin de mettre vos coordonnées, rien du tout. Juste PC au 6322 pour 1€ le message. Et nous, on vous répète une dernière fois, bonne chance. Ouais, il reste moins de 5 minutes. Le temps de Jonas Blue, 3 minutes et 8 secondes pour envoyer PC au 6322. C'est un magnifique cadeau qu'on vous offre pour finir la semaine. Allez-y, PC au 6322. Vraiment, honnêtement, c'est l'un des plus beaux cadeaux de l'été qu'on offre. Donc, ouais, allez-y, hein, PC au 6322. C'est 1€ par message. Je prends un gagnant juste après Jonas Blue sur Fun Radio. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise vendredi 12 août à Malèves-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oxoon DJ Party Fun. This is a summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malèves-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Hey les gars, pas de chat en tenant muréate, hein? Roulez non connecté.be. Une action de l'IBSR et BES. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et

reason why. D'ici 20h, c'est Ariana Grande qui débarque sur Fun Radio. Qui a gagné la serre One Ten? La réponse c'est maintenant et j'accueille Ben qui est avec nous. Salut Ben. Salut. Salut Ben. Salut Ben. Ça va bien Ben? Oui, bien, bien, super, génial. Ah parfait, t'as fait quoi de beau aujourd'hui Ben? Alors j'ai profité un peu du soleil, j'ai dû me balader. Et voilà, en fait j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai glandé. Et tu nous écoutes, c'est déjà bien, t'inquiète pas Ben. T'as envoyé quoi 6322 Ben? PC. PC, t'es bien sûr de toi? Oui, un P et un C. Ok, on vérifie Ben. Fun Radio. Bravo. Bien joué Ben. La sœur Wanda revient à la fois. Non, je suis meilleur, hein. Servir à la fois de PC et de tablette. Tu vas pouvoir absolument tout faire avec ou presque. Et elle fait pas la vaisselle, hein, je te le dis. Donc, à toi dommage, les jeux. Je vais peut-être l'éduquer un peu. À toi les jeux, les traitements de texte et le plaisir d'utiliser cette Acer One Ten. C'était le dernier gagnant de cette semaine. Et on t'adresse nos plus sincères félicitations, ouais. Ben. Bravo, ouais. Ben, bravo. Tu vas passer un bon week-end avec merci ça. Merci beaucoup, génial, fun. Quelle équipe. Merci. Quelle radio. C'est gentil Ben. On prend tes cordes hors antenne. Passe une bonne soirée Ben, ok? Merci, très bien, c'est super, bravo, merci. Salut, salut Ben, super, merci. Bonsoir, au revoir. Oui Ben, salut, bon week-end. Au revoir. Salut. Il va décéder le pauvre. Cachot, le temps complète. Bisous Ben pour la suite. Ça se passe à 20h avec Party Fun. Oli prend les commandes de Party Fun. Il y aura les meilleurs moments de la Power d'ici là. Avec aussi Ariana Grande et Félix Jean. Nous on se retrouve à 17h lundi. Bon week-end. Émission exceptionnelle lundi. Ah oui, c'est vrai. On aura la chance de recevoir Unique. Ah oui, la chanteuse. En interview, ouais. Et en live, elle sera là avec nous. Ah, en plus, elle est très mignonne. Hein, d'après ce que j'ai vu. Ça se passe entre 17h et 20h lundi. Unique invité exceptionnel de ce qui est du fun avec deux lives au programme. Bon week-end Kaufman. Bon week-end. Bon week-end Laurence. Bon week-end les gars. On se retrouve à 17h. Bon week-end tout le monde. Profitez bien. Bisous bisous. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On était avec Mickaël, là, pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun Radio. Mickaël qui va être papa dans 6, 7, 8, non, donc 7. 2, 7, 9. Ou peut-être avant. Non, dans 7 mois. T'as vu comment je t'ai laissé dans la merde? Les mathématiques. Poulala. Non, il va être papa dans 7 mois parce que sa femme est enceinte de 2 mois. Ouais, ouais. Mais si on commence à compliquer le bazar, ça va pas aller. Mickaël, t'étais à la recherche d'idées originales pour annoncer la grossesse à tes parents. Hein. Mickaël, j'ai pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, et on a reçu plein de petits messages pour toi pour essayer de t'aider. Il y a d'ailleurs Stéphane qui est là, qui vient de Braine-l'Alleud. Salut Steph. Salut à tous. Ça va bien Stéphane? Ouais, tout va bien, impeccable. Bon, et Stéphane, il paraît que t'as une bonne idée pour Mickaël. Comment il peut faire pour annoncer à ses parents qui vont être grands-parents? Ouais, alors bon, moi j'ai pas d'enfant, mais ce que je trouve génial, ce serait d'emballer une tétine de couleur bleue ou de couleur rose, ouais, selon le sexe du bébé, et alors d'offrir ça aux parents, je trouve ça super génial. Ah ouais, c'est mignon ça, non? Ouais, c'est clair. Ouais, bah, mais c'est pas waouh quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est parce qu'il faut, mais est-ce qu'il faut être waouh pour. Mais Mickaël, il veut un truc waouh, c'est ça. Et t'imagines ta mère dans une crise cardiaque? Filmer leur réaction, ça pourrait être pas mal aussi. Faire quoi? Filmer leur réaction. Ah ouais, ça c'est la grande mode. Ouais, hein. Tu te mets sur YouTube et tu te fais plein de thunes. Ou alors, ce que tu fais, tu lui dis rien pendant les 9 mois et puis t'apportes le bébé et dis voilà, vous êtes grands-parents. Oh, non, parce que... voir, quand même. Non, parce que les grands-parents ils aiment bien participer au truc quoi. Enfin, participer au truc, tu vois, c'est juste être là. Oh, je sais, tu mets une couche, ouais, tu te soulages dedans, tu la déposes chez ta mère, tu fais voilà, bientôt tu vas pouvoir reprendre 10 services. T'as vraiment des idées pourraves quoi. Moi j'avais une copine, elle avait mis en fond d'écran, tu vois, genre sur leur téléphone, félicitations. Félicitations mamie, félicitations papy. Ouais. Et en fait, le truc c'est qu'ils se sont jamais rendu compte du bazar. En fait, ça a pris plusieurs semaines avant qu'ils se rendent compte que le fond d'écran avait changé. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Hein. Ou tu fais un petit dîner aux chandelles. Non, chandelles ça va pas, non, pour les grands-parents. Hein. Ouais, je sais pas moi, enfin, vous avez pas une autre idée, un truc sympa faut qu'on trouve pour Mickaël, les gars.